Pour occuper un peu le temps, moi je veux bien parler de ce que j'ai fait ce matin. En ce moment j'ai du temps, donc j'étais à Bobigny là, au tribunal de Bobigny. Il y avait une sur le site justement de Nuit Debout. Il y avait eu un appel à se déplacer pour défendre les deux manifestants qui ont été arrêtés hier. Et pour lier ce que j'ai fait ce matin donc avec ce qu'on dit là sur le langage, ce qui m'a beaucoup étonné là-bas. C'est que, en fait, c'était surtout des syndiqués, donc des membres de la CGT, et qui tenaient un discours dont les mots étaient sans aucune profondeur. Ils ont commencé à poser un micro, une baffle, une enceinte, et on entendait des clichés de la contestation politique extrême gauche, type les patrons dehors, voyez, des choses qui sont vraiment de l'ordre du cliché, pas réfléchi. Donc l'action était bonne en soi parce qu'elle a permis que les deux manifestants soient libérés sous contrôle judiciaire. On a crié pendant 20 minutes, les juges ont probablement entendu, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça a permis d'obtenir des peines moindres que ce qu'on risquait de voir se passer. Le manifestant qui est accusé d'avoir frappé un flic risquait d'être emprisonné jusqu'à octobre prochain. Il a finalement été libéré. Donc l'action a porté ses fruits. Mais quant au discours qui était là-bas, je me suis étonné comment on peut encore tenir des propos comme ça aujourd'hui. C'est des choses que je sens sourdement, des restes de clichés comme ça qui restent dans nos manières de parler. Dès qu'on parle du patron, notamment, je trouve que c'est un terme on doit plus tellement employé, on devrait être plus précis et parler des structures multinationales avec actionnaires. Dès qu'on désigne un patron, forcément, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Forcément, ça rappelle des mauvais souvenirs. Écoutez, des gens qui, depuis 50 ans, ont dit la même chose, c'est stupide. Voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, excusez-moi, je trouvais un peu caricatural la façon dont vous rapporter ce que vous avez entendu venant d'ouvriers qui, avec leur vocabulaire, bien sûr, moi je suis ouvrier aussi, et j'ai appris à me battre souvent en criant, en envoyant des mots qui résonnaient, qui permettaient justement de gagner, de convaincre. Alors, on n'est pas ici à l'université, même si c'est une université très riche, bien sûr, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce que vous dites. Et puis pour moi, un patron, c'est toujours un patron. C'est quelqu'un, je ne veux pas généraliser, mais c'est quelqu'un qui exploite les autres, hein, qui tire le maximum quand il peut, pas toujours, profit du travail des autres. Et moi, je n'ai pas peur des mots, il faut les appeler comme ils sont. Il faut surtout respecter ceux qui prononcent des mots, et notamment les ouvriers. Je crois qu'on doit reconnaître de ce point de vue-là, oui. Non, mais j'ai trouvé, excusez-moi, vous étiez un peu raide sur la question. Bien que vous ayez finalement dit l'essentiel, c'est que les gens qui étaient condamnés vont être libérés, ou au moins avoir des sanctions. Mais comme quoi, entre nous, hein, je veux dire, moi c'est la première fois que je viens, j'étais malade, et je me disais, il faut vraiment que j'aille entendre ce que disent les jeunes, ce qu'on pouvait dire, nous, avant qu'on parte en Algérie, puisque j'ai fait la guerre d'Algérie, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir ici, comme les circonstances et les événements qu'on a vécu récemment, ici en France et ailleurs, sont très liés avec le colonialisme, et donc il faut en parler. Voilà. Excusez-moi. Je suis désolée, vous allez peut-être trouver que je parle beaucoup, et j'ai toujours été très bavarde, donc je vous laisserai le dire sans aucun problème. Moi, je trouve ça très très intéressant ce que vous dites. Je crois que les mots ont un sens et que parfois on a envie de beaucoup les élargir. Il me semble que à l'heure d'aujourd'hui, on est en train d'inventer des nouvelles formes. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des formes qui existent déjà. Moi, il n'y a pas longtemps, bon, voilà, du coup, je suis intermittente. Allons-y. Il n'y a pas longtemps, j'ai signé un contrat. Enfin, voilà, on entend très peu parler des SCOP. Moi, j'ai signé un contrat coopté il n'y a pas longtemps. Je vous avoue que je ne savais absolument pas ce que c'était. Effectivement, les mots ont un sens, et un patron emploi, enfin voilà, il y a une question de domination en tout cas derrière ce mot qui pour moi est quand même assez importante. Et il y a une deuxième voilà, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais rebondir qui est que il y a la question du syndicalisme effectivement est très présente. Je pense que c'est moins facile, enfin voilà, moi je suis pas syndiquée, c'est un choix, c'est un vrai choix. Je refuse de me syndicaliser parce que je voilà, ça m'a pas empêché de suivre les actions qui ont été menées par des syndicats et notamment dans le soutien à ceux qui ont occupé l'Odéon, à ceux qui, enfin voilà, aux intermittents qui ont mené des actions. Et je crois que parfois effectivement les mots sont violents ou en tout cas ils rappellent un discours qu'on a déjà entendu. Je pense qu'on est vraiment en train de chercher des nouvelles formes pour se politiser. Et je crois que dans ces moments d'action, qui sont vraiment des moments d'action, parce qu'il y a des gens qui s'impliquent et qui en payent aussi beaucoup les conséquences, dans ces moments d'action, je pense que c'est pas forcément le moment de réfléchir vraiment au sens du mot. Enfin, je suis désolée, ça va peut-être vous paraître un peu choquant. Je pense qu'on vient ici pour ça, en fait, pour réfléchir au sens de ces mots. Enfin, si vous voulez, il y a aussi, voilà, il y a aussi, je sais, peut-être plusieurs temps aussi. Enfin, moi, je suis pas syndiquée. C'est plus difficile de trouver sa voie politique quand on refuse de s'affilier à des syndicats. Mais je crois qu'ils mènent des actions qui sont très importantes aussi. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une grosse réflexion à mener sur le mot patron et le patronat. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, sur les mots, effectivement, il y a vraiment à s'interroger. Moi, j'ai 58 ans. Quand j'étais enfant, j'entendais parler d'ouvriers. Je vais prendre un exemple, un balayeur dans une usine. Quand j'avais 17, 19 ans, 20 ans, on parlait d'un technicien de surface. Et aujourd'hui, on parle d'un collaborateur. Oui, patron, c'est... Ça a plus que 50 ans, c'est vieux. Je crois que ça a au moins 2 siècles. Pour remonter aux années 1900, l'industrialisation. Il y avait un autre mot qu'on employait il y a 50 ans et il y a 2 siècles. C'était celui de lutte des classes. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que le balayeur est devenu un collaborateur. Voilà. Mais je crois que ça s'appelle Warren Buffett, qui est un multimilliardaire, je ne sais pas de quelle nationalité, peut-être américain, lui a dit la lutte des classes existe bien, d'ailleurs nous l'avons gagnée. Voilà pourquoi, pour moi, le mot patron, oui, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui remet au centre la lutte des classes, qui pour moi existe, et cette lutte des classes, aujourd'hui, moi, je me situe, je suis infirmier libéral en Haute-Savoie. Je pense que dans l'échelle des classes, je suis un petit bourgeois. J'ai un frangin qui est parisien, il n'est pas là, il est haut fonctionnaire, c'est un grand bourgeois. Et que la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est en train d'accumuler des biens. Je pense qu'il est peut-être un peu prêt à en partager, mais pour l'instant, il ne le fait pas. Et que moi, je suis un petit bourgeois qui accepte volontiers de partager ses biens. Voilà. Ouais. Au niveau de la réflexion sur le langage, sur les mots et sur leur repolitisation, il y a différentes plateformes aussi qui existent. Je pense au site internet « Les mots sont importants ». Qui offre justement un espace de réflexion hyper, hyper important pour repolitiser ce langage et aller contre l'euphémisation dont on parle en fait. Parce que oui, le fait de plus parler de lutte des classes, de plus nommer clairement ces choses-là, forcément, ça change aussi notre perception des problématiques et la manière dont on envisage les résistances. Et il y a aussi un terme qui reflète parfaitement ça, c'est le dialogue entre les partenaires sociaux, au lieu de parler de confrontation entre patronat et classe ouvrière. Donc voilà, ouais, je pense aussi que c'est essentiel de repolitiser complètement le langage, parce que c'est avec le langage et la pensée aussi qu'on peut envisager les résistances, même physiques. Ouais. Ça m'inspire plein de choses. Il me semble que ce qu'on vient de voir là, c'est une façon de traiter le dissensus. C'est des gens qui n'ont pas la même perspective, qui ont d'autres mots pour parler de différentes choses qu'on découvre en fait sont les mêmes choses ou peuvent être vues comme les mêmes choses ou les mêmes enjeux. Et encore une fois, j'ai l'impression de trouver encore une bonne instanciation de mon propos par rapport à la forme que cela permet. Cela nous permet de nous entendre, de se reconnaître selon nos différentes positions qui viennent d'expériences de vie très diverses et d'être curieux justement pour ce qu'on arrive à se dire étant donné ces différences plutôt que de les exclure dès le départ. C'est d'accueillir le dissensus, d'accueillir le fait que nous n'allons jamais être d'accord. Jamais, jamais. Ouf, tant mieux quoi. Je suis content que le débat soit lancé sur le mot et je relance en disant que ce qui nous réunit là, c'est un film, merci patron, mais qu'en fait, ce film était aussi projeté dans le cadre de la contestation de cette loi El Khomri. Et cette loi, il faut savoir qu'elle ne touchera probablement pas des patrons individuels, mais plutôt des structures multinationales françaises, c'est-à-dire des entreprises françaises qui ont des moyens dignes de multinationales, c'est-à-dire des moyens très importants. Elle va pas très peu toucher PME et TPE, elle va surtout toucher des boîtes comme Carrefour, des boîtes qui ont beaucoup d'enseignes, la FNAC, voilà, tous les métiers très précaires. Quand vous travaillez dans une PME, vous êtes souvent moins précarisé que quand vous travaillez dans une multinationale. Donc encore une fois, il y aurait peut-être moyen ici de distinguer les patrons entre eux, de voir que ce qui gangrène notre système social, c'est plus une concurrence multinationale, et que si on doit s'opposer à cette loi, eh bien, c'est avant tout en visant certaines structures qui contestent nos habitudes sociales et ce qu'on a construit jusqu'ici, qui n'est pas rien non plus. Donc voilà, moi je suis pour un respect de certains patrons et au contraire, une condamnation d'autres structures. Voilà. Moi je suis plutôt d'accord avec lui aussi, parce que pour connaître aussi des patrons et des petits patrons de petites structures qui sont pas forcément le grand méchant loup à chaque fois, et effectivement c'est compliqué, et c'est des gens qui sont aussi, il y en a qui sont concernés par cette problématique et qui sont pas d'accord avec le système dans lequel on vit et qui aimeraient que les choses soient autres ou différentes et qui peuvent se revendiquer des mêmes objets que ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Et ce qui est dommage, c'est que ces gens là puissent se sentir exclus de ce mouvement juste du fait d'avoir une idée, d'avoir monté une boîte, d'avoir entrepris quelque chose, etc. Et je trouve que c'est dommage. Et que ce qui serait très fort dans ce mouvement, c'est que si ça réussissait justement, pour une fois, à pas forcément exclure tous les gens qui ont envie de monter une petite boîte, qui ont un projet, qui ont envie de faire des choses. Enfin, je veux dire, il y a plein de paysans qui montent des boîtes, qui montent des structures. Ces gens-là, ils sont patrons. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Enfin, je suis assez d'accord avec monsieur sur le fait que c'est aussi dangereux de faire trop de généralités à un moment donné, quoi. Bonjour. Bien sûr, il ne faut pas être manichéen. En même temps, ce dont nous souffrons, moi je suis dans l'enseignement, quand j'entends le mot patron, oui, ça me fait penser à des directeurs qui sont d'un paternalisme incroyable, qui nous infantilisent à longueur de journée, qui se permettent de piquer des colères incroyables sur des choses qui n'ont aucun sens et dont nous sommes victimes. Alors bien sûr, il y a des patrons tout à fait charmants, on ne le conteste pas, mais ce que l'on voit, c'est la montée incroyable de l'autoritarisme. Et quand j'entends parler, par exemple, au niveau du langage, d'un directeur de ressources humaines, hein, dans une grande entreprise, DRH, ça veut dire quoi ça, clairement? Ressources humaines, qui c'est ça? C'est nous, c'est notre chair, c'est notre vie, voilà. Oui, j'ai un peu oublié ce que j'ai... Si, quand je vous entends défendre... des patrons particuliers ou singuliers, d'accord, mais ça ne règle pas une histoire politique, ça ne règle pas un problème politique. Donc si les patrons peuvent se montrer assez conscients des problèmes politiques, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que nous sommes dans une époque où nous personnalisons à outrance le fait politique qui nous mène dans des impasses de formes d'autoritarisme. Et j'ai entendu quelqu'un faire une distinction, parce que les féministes, qui sont très importants pour moi, les premières vagues, dans les années 70, parler de cette idée que le personnel est politique, quoi. C'est très, très différent de ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, de personnaliser les enjeux politiques, de croire que des personnes vont nous sauver de quoi que ce soit. Il faut déjà trouver comment poser les questions politiques, et puis après, on voit avec qui on dialogue. Mais je pense que c'est ce méprendre que de vouloir défendre des personnes en tant que personnes lorsqu'on parle politique aujourd'hui. Et il me semble qu'on trouve ici des façons de repolitiser le personnel, ou de sentir comment notre personnel, nos questions personnelles sont déjà de fait politisées. On trouve une façon d'articuler ça ensemble. Je ne crois pas que Mis Debout ait la prétention de tout réussir dans la déconstruction du vocabulaire. En même temps, on doit y penser. Et évidemment, il faut aussi se dire en face qu'ils ont fait tout le travail aussi pour ringardiser d'autres mots. Par exemple, moi qui viens d'un milieu cheminot et syndiqué, je ne le suis plus, mais ça, simplement pour dire que le syndicat des non-syndiqués, c'est devenu quand même le plus grand syndicat de France. Et que tout ce travail qui a été fait idéologique pour ringardiser, il s'est employé aussi à ringardiser tout un fonctionnement d'un patrimoine social qui avait mis du temps et qui probablement a besoin. Moi, je débat encore avec des camarades. C'est évident, et je te rejoins. Moi, même sur ma pancarte, j'avais délibérément enlevé le mot patron pour insister plus sur de nouvelles notions. Je pense que, par exemple, on peut supprimer les sénateurs, mais est-ce qu'il faut supprimer les députés? C'est un débat. Moi, on parle beaucoup des fois du tirage au sort, mais c'est pour dire, j'ai mis politicien. Moi, je pense que dans la déconstruction du vocabulaire, il faut essayer de renommer convenablement les gens pour ce qu'ils sont vraiment, des fois. C'est-à-dire pas forcément un mot un peu trop, je dirais, englobant, mais plutôt bien ciblé, quelle est la nature profonde de ce qu'ils représentent pour nous. Et par exemple, moi, je dis que pour moi, Nuit Debout, c'est un mouvement. C'est pas un parti, c'est pas une organisation, c'est un mouvement. Et tant que ça restera un mouvement... C'est vrai qu'il a sa faiblesse en tant que mouvement, parce qu'il accueille tout le monde. Il est prêt à se corriger, à réfléchir, ça prend du temps. Enfin, William a beaucoup parlé de cette temporalité. C'est vrai qu'on réapprend, on reprend le temps. Et en même temps, on sent qu'il y a une urgence sociale. On le voit bien. Là, j'ai un mot que j'aime bien aussi pour nommer ce qui se passe aussi un peu partout maintenant. Je pense qu'il y a une forte crispation. Des gens disent tension sociale. Ou moi, je pense que vraiment, on sent tout le monde à cran. Et chacun pour des raisons des fois différentes. Et... donc oui, à déconstruire le vocabulaire pour le rendre peut-être plus fin, mieux adapté à notre époque. Mais en tout cas, l'héritage du patrimoine social de nos aînés, ne pas le ringardiser. Parce que, par exemple, Front Populaire, pour moi, ça résonne. Commune de Paris, ça résonne. Et je vais plus loin pour finir, parce que moi, j'avais fait ça. À un moment donné, je venais sur la place avec un mégaphone pour faire écouter des grands chanteurs, pour moi, de la chanson française, que sont Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel... Edith Piaf, enfin, et j'en cite pas plus parce que, mais enfin, on se rend compte aujourd'hui que la production, je dirais, sonore, même s'il y a des gens intéressants, hein, mais la production sonore de nos aînés, elle est complètement ignorée. Et si on va pas la chercher, et pourtant ils ont fait vraiment des textes incroyables sur ce qui incarne Nuit Debout. Voilà. Y compris même, je vous dis, pour prendre un exemple, si vous écoutez Georges Brassens sur comment il nomme les cons, y compris avec sa dernière chanson où il parle de nous comme des cons, mais des cons qui sont pas dangereux justement par rapport à tous ces cons qui nous gouvernent, qui eux sont particulièrement dangereux. Voilà, merci. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, je crois, qui a été évoquée. Je crois que ce vocabulaire politique, c'est une discussion que j'ai eue ce matin, donc on reste très quotidien. Je crois que ce vocabulaire politique, il y a plein de gens à qui ils parlent pas du tout. Voilà, moi, il y a plein de jeunes qui ne comprennent pas ce langage politique syndiqué et syndicalisé, et je pense que c'est important de le dire. Il peut aussi leur faire peur. En tout cas, moi, c'est les retours que j'en ai. Je voulais dire, j'avais autre chose à dire, mais je m'en souviens plus. Il y a une autre chose que je voulais dire, qui va peut-être aussi, qui est vraiment soumise à débat. Mais je crois que derrière le mot patron, il y a un mot qu'on veut pas trop employer, qui est l'établissement d'une domination. Encore une fois, il y a des gens qui ont ouvert des structures qui étaient horizontales et non pas verticales, donc il y a énormément de scopes, il y a des coopératives, c'est des moyens qui existent, c'est des structures qui existent depuis très longtemps. La volonté de domination et de d'asseoir son pouvoir, par contre, notamment à travers le biais, à travers un biais économique, je crois que voilà, il y a cette question là en fait derrière tout ce dont on parle, en termes de patron, pour étendre la question et ne pas la personnaliser, je pense que c'est important. Je voulais juste revenir, je pense qu'il y a quand même des gens qui écrivent des textes à l'heure d'aujourd'hui qui sont quand même dignes de textes qui ont pu exister. je crois que c'est juste encore une fois une vraie question de référence, et justement c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les partager. Non, c'est pas pour revenir sur le débat, bien qu'il soit très intéressant. Je crois qu'il faut qu'on élève le débat sur les patrons, sur le vocabulaire. Il n'est pas question de mettre sur la même longueur d'onde le petit artisan qui s'est construit lui-même, l'inventeur qui a fait reconnaître ses diplômes et qui a commencé à travailler. Il y a une grande différence. D'ailleurs, ces petits patrons-là, ils sont souvent proches de nous. Et ils ont besoin de nous, et ils luttent avec les ouvriers, les travailleurs. Je crois que ça, il faut en avoir une notion claire. Il ne s'agit pas de les laisser de côté, bien au contraire, mais de les respecter. C'est mon cas. Moi, j'ai un oncle qui était petit patron, qui a monté son affaire, et puis qui a terminé sa vie avec 3 000 ou 4 000 euros de retraite. Ça n'a rien à voir avec le 440. Alors moi, une question, je voudrais savoir, est-ce qu'on a des informations sur les intermittents du spectacle et sur leur lutte? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question que je pose, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient obtenu satisfaction, en partie. Alors, je pose la question parce que derrière, il y avait des gens qui étaient syndiqués ou pas, mais qui se sont battus pendant des semaines, voilà. Alors, encore une fois, on faut faire très très très très très très très attention à la désinformation. L'accord dont on parle, notamment sur. Pour revenir donc sur les 507 heures, mais enfin, il y a énormément de choses. Hein, c'est quand même un vaste. Je vais essayer d'être concise. L'accord auquel vous faites référence, notamment sur les 507 heures sur 12 mois, sans distinction, en tout cas, l'accord qui est sorti et qui a été annoncé mercredi, c'est pas du tout un accord. Si vous voulez, après le MEDEF en tout cas ne l'a pas du tout signé. Mais si tu veux, si tu veux t'exprimer, tu t'exprimeras beaucoup mieux que moi. C'est un accord. Alors attends, c'est quoi? C'est la confédération des fédérations. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas faire beaucoup mieux, mais je vais essayer un tout petit peu. En fait, y a les patrons ont signé, mais pas du tout le MEDEF encore. Donc, il y a une première étape qui est énorme, dans le sens où là, ce qui a été obtenu, enfin, ce qui a été promis plutôt, c'est plutôt ça l'idée, ce qui a été promis est quelque chose de... ça fait 13 ans qu'on lutte pour ça, donc c'est énorme. Par contre, j'ai tout fait. Voilà. Oui, alors juste peut-être pour revenir sur le sujet de patron, pour clore un peu la parenthèse sur les intermittents, simplement ça qu'on entend pas mal de personnes s'exprimer, enfin l'enjeu principal aujourd'hui c'est qu'il y a une lutte sémantique, et je pense que Nuit Debout en tant que mouvement doit porter cette lutte sémantique, c'est en tout cas l'une des seules choses qu'on puisse faire au moins en étant un mouvement. Après c'est vrai que le mot patron en soi il naît d'une ambiguïté, c'est-à-dire qu'étymologiquement le mot patron il appartient à ce mot latin pater, patris, qui a donné patronat, qui donne patricien. Donc quand on l'utilise, et quand on est syndicaliste, c'est qu'en soi, en fait, le postulat qu'on prend, c'est que le patron, c'est le mécène, en gros. Parce que le patron, dans l'Antiquité, c'est le mécène. C'est celui qui a une assemblée de fidèles, qui va nourrir, payer pour lui. Bon, si on continue d'utiliser ce mot, j'ai bien apprécié le film de Ruffin, mais le problème, c'est ça. C'est que c'est l'utilisation du mot, elle intègre une ambiguïté, elle intègre un postulat. Et moi, je suis pour qu'on arrête de l'utiliser, ou à la rigueur qu'on se réapproprie totalement, mais à la rigueur qu'on se réapproprie vraiment. Et c'est-à-dire que Ruffin, quand il parle de patron, il parle pas des petits patrons, à savoir ceux qui font 95% d'emplois aujourd'hui en France. Il parle des grands patrons, des grandes entreprises, du CAC 40. Et je pense que justement, peut-être que cette ambiguïté, elle nous dessert aujourd'hui. Alors, ou bien on se débrouille pour qu'elle nous serve, et dans ce cas-là, on fait un retournement sémantique, et dans ce cas-là, on se bat sur le plan des mots, ou bien on arrête de l'utiliser. Et je pense que c'est la solution la plus simple. Voilà. Merci à tout le monde. Le prochain intervenant va arriver. Tu parlais d'intermittent spectacle auprès du patronat. Moi, je suis artiste peintre. Je m'appelle Tintin, je suis artiste peintre. Ça fait depuis 2007 que je suis dans une situation sociale auquel le patronat ne peut pas reconnaître quoi que ce soit s'il n'envisage pas ce qu'on appelle le fait social qui accompagne l'artiste ou la personne qui a besoin de l'emploi. Ok. On parle d'intermittent spectacle qui n'a pas réussi à avoir un accord ou ne serait-ce qu'une promesse. La promesse, nous, c'est comme Moïse. On ne va pas dans le désert chercher la manne. La manne, elle est dans nos mains. Je crois que l'artiste, lui, s'il a quelque chose à dire dans une société, il a besoin d'un patronat qui soit de la base et non pas qui nous tombe sur la chape comme souvent on nous l'impose. Voilà. Tu parlais de patronat, de grand patronat, de petit patronat et de patronat et ceci, cela. Ok, mais peut-être que, comme me disait ma grand-mère qui était couturière, qui a travaillé 37 ans dans une usine dans les Vosges, elle m'avait appris, moi, quand j'étais gamin, alors que j'étais malade, de faire ce qu'on appelle des patrons. Vous voyez, pour faire un peu de couture. Et puis savoir tricoter soi-même l'emploi que tu veux en tant qu'artiste, aussi bien que qu'importe ce que tu choisis. Voilà. Le patronat, il est d'abord en soi. Ensuite, il correspond peut-être à ceux qui nous proposent l'emploi pour l'enrichissement, non pas personnel, mais d'une société. Point barre. Merci.